À quoi bon faire comme si tout va quand on subit ce qui nous plaît pas? Elle fait la gueule si ça lui plaît, que ça plaise non, elle le fait exprès. Pourquoi sourire quand on nous saoule? Être hypocrite, avoir l'air cool. Elle parle pas aux gens qui la gavent quand elle les aime pas. Ben ils le savent. Et si la vie vaut le coup d'être vécue, elle laisse pas de place au malentendu. Et si la vie vaut le coup d'être vécue, elle évite ce qui est à sa déconvenue. Bien entendu! C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal bien. Faut-il toujours prendre sur soi, face à une face qui nous revient pas? Elle le dit, quand on l'insupporte, ça la défoule. Il faut que ça sorte. Devrait-on bêtement se forcer à être poli par intérêt? Elle se donne pas la peine pour ça, elle tire la langue et elle s'en va. Et si la vie vaut le coup d'être vécue, elle laisse pas de place au malentendu. Et si la vie vaut le coup d'être vécue, elle évite ce qui est à sa déconvenue. Bien entendu! Waouh! Ah, c'est bien là! Rien de tel que jouer d'ignorance devant ceux et celles dont on se balance. Les propos futiles ne la touchent, elle laisse remuer les mauvaises bouches. Quel enthousiasme débordant dont on ne fait preuve que trop rarement. Elle envoie promener sans peine celle qui l'emmerde, celui qui la gêne. Et si la vie vaut le coup d'être vécu, elle laisse pas de place au malentendu. Et si la vie vaut le coup d'être vécu, elle évite ce qui est à sa déconvenue. Bien entendu! Là ça commence à être rock'n'roll, là ça commence à être bien là. On va essayer la même chose, mais on va essayer la même chose, mais en sourdine. Ouais, ça fait tu gueules à fond, mais en fait tu gueules pas, tu vois. Fais comme ça. Bien entendu. Vous êtes trop fort. La la la la la la la la la la la la la la la. Elle le signale quand on l'ennuie, comme elle l'entend. Elle fait sa vie, et puis c'est tout.